T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Planète Indie. Nous sommes le samedi 5 septembre, premier samedi du mois, donc comme vous le savez, c'est notre rendez-vous mensuel, chaque mois entre 17h et 18h30. Et bien, Planète Indie est là pour vous offrir le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative, en tout cas le meilleur de la musique que vous n'entendez malheureusement pratiquement nulle part ailleurs. Puis comme chaque mois, on ira aussi faire un petit tour à côté, on ira voir un peu ce qui se passe dans les salles de concert partenaires. On ira faire un petit tour, on fera une petite encoche, une petite parenthèse bande dessinée. Et puis on aura notre album Powerplay qui nous emmènera ce mois-ci pas très loin, en Belgique. Et oui, avec un artiste qu'on a découvert le mois dernier. Et puis bah oui, son album est tellement bon que j'ai décidé déjà de le programmer comme Powerplay aujourd'hui. Vous verrez, on va en écouter un premier extrait d'ici un bon quart d'heure. Et bien je vous propose de commencer en musique tout de suite avec le groupe Bright Garden et un morceau intitulé Addicted. Et après cela on écoutera Felix City avec son morceau You and Me. Restez bien branchés, nous sommes donc ensemble jusque 18h30. Won't lie, and we still be alright. Train lines till we can take flight. Voilà, elle s'appelle Felicity, on l'aime beaucoup et on l'écoutait avec le single, enfin je sais pas si c'est un single parce que cet extrait de son album, je sais pas lequel est sorti en single, le morceau en tout cas est You Me. Si vous voulez nous faire part eh bien, de votre avis sur la programmation musicale qu'on espère, on espère en tout cas qu'elle vous plaît, n'hésitez pas, vous pouvez nous donner un petit coup de téléphone au 26 54 00 44 00 352 26 54 00 44 et puis tout aussi facile, vous nous rejoignez sur Facebook, hein, sur le groupe Planet Indie, on est pratiquement 200. Beaucoup d'artistes que vous entendez dans cette émission sont aussi membres, donc si vous voulez directement entrer en contact avec eux, eh ben, c'est tout aussi possible. Donc vous tapez Planet Indie dans Facebook et puis voilà, vous nous rejoignez, on sera très heureux d'avoir vos impressions. Avant de partir donc à la découverte de notre album Powerplay, je vous propose encore d'écouter Sugar Lime Blue avec Lives in Space et puis Joel Siegel accompagné du Pocket Band et eux vont nous interpréter un morceau intitulé Crosshairs. Living Était accompagné du Pocket Band, c'était Joel Siegel avec un morceau Crosshairs. Allez, 17h21, allons si vous le voulez bien sur notre album Powerplay qui nous emmène aujourd'hui eh bien, tout près d'ici, juste de l'autre côté de la frontière, puisqu'on va en effet en Belgique comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Nous allons à Diest dans le Brabant flamand pour y faire la connaissance de Art of Empathy alias Jeff Johnson. Toute l'aventure a commencé dans la jeunesse de Jeff quand il a entendu la bande originale de Snowman, à savoir le morceau Walking in the Air. C'est là qu'il s'est mis à frénétiquement enregistrer sur bande eh bien, ses propres improvisations mélancoliques à la guitare. Après ses études, il s'est aussi concentré sur la production musicale et a choisi le nom de Art of Empathy pour créer sa musique sombre et apaisante à la fois, grâce à laquelle eh bien, il espère que les gens peuvent se mettre à rêver. Le premier album, eh bien, il est sorti en 2007, il s'intitulait Evening Sessions, et il a reçu pas mal d'éloges venant des quatre coins du globe. D'ailleurs, c'est marrant de parler de coins en parlant d'un globe. Ensuite, en 2010, eh bien, c'est sorti le second album, et ça s'intitulait Post-Human Decadence, qui, eh bien, on l'a compris rien qu'au titre, eh bien, il comprend des morceaux plus sombres, voire même apocalyptiques. Eh bien, donc, avec ce tout nouvel album qui s'intitule End of Eye, eh bien, c'est un vide de 10 ans qui se comble. Je suis très heureux de vous faire découvrir cet album. Et donc, je vous propose d'en écouter un premier extrait. Un premier extrait qui s'intitule 96%. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. Je vous rappelle son nom, il s'appelle Art of Empathy. Powerplay. Powerplay. Hello there, I'm Jeff of Art of Empathy on Planet Indie, and you're listening to a new track of the album End of I. I appeal to the whole world. I appeal to the leaders from all over the world to open our eyes to the stark reality that we face. I appeal to ministers. The outcome of our work is not about what our political masters want. It's about what's demanding for us by 7 million people. Spirits in heaven. Thank you. belongs to the people. Thank you. this is Das from Psychopathic Romantics, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Selena Martin, the person, and this is Planet Indie, the station. Hi, this is Diane Mink, and you are listening to Planet Indie Radio Show, Brussels and Worldwide. Dancing Alone, si vous nous suivez, si vous nous êtes fidèles, eh bien, vous connaissez ce groupe, il s'appelle Darwin, et avant cela, c'était Beauty in Chaos. Je pense que c'est une nouveauté, je crois qu'on ne les a encore jamais entendus dans Planet Indie, le groupe Beauty in Chaos, avec en invité Wayne Hussey, et un morceau intitulé The Delicate Balance of All Things. Avant de poursuivre la programmation musicale de cet épisode numéro 422 de Planet Indie, eh bien, je vous propose d'aller faire un petit tour sur la programmation de l'abbaye de Neumünster. Alors, demain, dimanche 6 septembre à 18h, vous pourrez voir en concert Amalia, c'est du fado, c'est de la musique portugaise traditionnelle donc. Le 11 septembre à 20h, ce sera le concert de Mina Kryle avec le Chris Fillmore Band. Pardon, j'ai un petit truc coincé dans la gorge. Alors, ça c'est plutôt de la musique blues. Le 13 septembre à 11h, le 13 septembre, donc si je ne m'abuse, ce sera. C'est les concerts du dimanche midi, si je ne m'abuse. Donc, ce sera le Eran Har Even. C'est un guitariste et compositeur israélien qui est membre aussi du conservatoire d'Amsterdam et il nous proposera des extraits de son nouvel album intitulé World Citizen et c'est plutôt de la musique jazz. 26 septembre à 20h, La quête d'un samouraï par l'artiste Musashi, pardon. Donc vous l'avez compris, c'est plutôt de la musique japonaise. 27 septembre, 11h, le Surécoute Quartet. 2 octobre à 20h, ce sera Amanda Groves. Et enfin, le 4 octobre, du Jazz Fusion, Fujazi Plus 2, avec un spectacle intitulé Moving and Growing. Voilà pour la programmation de l'abbaye de Neumünster. Et la programmation de Planet Indie, elle se poursuit avec le groupe I Am a Rocket Ship. Et un morceau intitulé Ghost Stories et puis j'en profite pour vous dire que je vous ai mis sur la page Facebook de Planet Indie donc la vidéo, une vidéo d'un extrait de l'album End of I, The Art of Empathy, notre powerplay aujourd'hui. Don't apologize. walking to the bus stop. When I first looked in your eyes, and I know you'd be a part of my life. Ain't it funny how the moments change our lives? And we made promises together. The one was open like the sky. Side by side we took a walk down the aisle. Summer nights, the world was rushing by. Yeah, yeah, yeah. We better fight, we better go. Let's take it on the run. On the run. We better catch the moment when it comes. Hold on, baby, 'cause if you waiting for a sign, you're wasting time. There were good times, there were bad times. We tried so hard to get it right. Change the day of my life. When you're with me, the time is on our side. Yeah, yeah, yeah. We better fly, we better go. Let's take it on the run. On the run. We better catch the moment when it comes. Hold on, baby, 'cause if you're waiting for a sign, waste of time. Gonna Fly. En fait, l'album, le morceau s'intitule We Better Fly. Et c'est le groupe Manish Boy. Je vous propose de retourner sur notre album Powerplay parce que le temps passe. Je vois qu'il est déjà 17h48. Ce qui veut dire qu'on vient de passer la moitié de l'émission et on est pile poil dans les temps pour la programmation. Mais Manish Boy. Art of Empathy, c'est des morceaux assez longs. Vous allez voir le suivant. Il fait plus de 6 minutes. Je ne sais pas si on va l'écouter en entier. Donc, ce nouvel album, un album intitulé donc End of Eye, c'est le troisième et il marque donc le retour de Art of Empathy. Et cet album est peut-être celui qui se rapproche le plus du vrai son de cet artiste, puisqu'on peut y entendre à la fois de la guitare acoustique et des synthés sombres et pesants. Une orchestration grandiloquente et en même temps le martèlement des percussions. Le tout, eh bien, c'est accompagné d'une partie vocale qui va du chuchotement intime au cœur envahissant. En ce qui concerne eh bien, le contenu, on peut dire qu'il a su capter l'essence même du projet. L'empathie, en fait, c'est ce qui démontre notre nature morale et sociale. C'est notre capacité à comprendre, ressentir et à s'identifier aux sentiments, pensées et expériences des autres. L'empathie connecte les gens dans un monde où certains essayent de diviser pour leur propre bénéfice. Eh bien, l'empathie en devient une forme d'expression d'un art quand les comportements antisociaux et égoïstes sont non seulement encouragés, voire même loués. Endovai donc incarne dès lors une vision et un espoir. Ce serait que les humains transcendent l'actuelle philosophie de vie individualiste et se mettent à l'unisson non seulement des autres humains mais aussi des autres espèces et de notre bonne vieille terre, car eh bien, l'idée c'est que nous faisons tous partie d'un même réseau de vie. Voilà, c'est en gros la philosophie qui sous-tend et qui est sous-jacente à non seulement cet album End of I, mais toute la carrière musicale de cet artiste Art of Empathy. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a donc choisi ce nom. Je vous ai mis, je vous l'ai dit, une vidéo sur le groupe Facebook de Planet Indie. Cette vidéo, c'est la vidéo de la plage titulaire de cet album, et je vous propose, eh bien, pourquoi pas, de l'écouter aussi. C'est donc ce morceau qu'on écoute maintenant, End of I, extrait de l'album End of I, et c'est notre power play aujourd'hui dans Planet Indie. Power play. Power play. Hello there, I'm Jeff of Art of Empathy on Planet Indie, and you're listening to a new track of the album End of I. End of life. difficile, hein, difficile de couper. On va pas vraiment le couper, on va le mettre un petit peu en fond musical pour profiter de la fin. Et je vous donne la programmation de la Culture Fabrique en même temps. Alors mercredi prochain, mercredi 9, le concert de Ptoléméa, ça sera à 19h30. Ensuite, samedi 12, ce sera le Squat Fabrique numéro 6. Ensuite, vendredi 18 septembre, c'est à la fois de la danse et de la musique avec le Move Art, Philomène Move Art. Samedi 26 septembre, eh bien, ce sera de nouveau à 18h le Squat Fabrique numéro 7 cette fois-ci. Et enfin, le 2 octobre, ce sera la release party du EP de Parity. Voilà. Plus d'informations, vous allez voir sur le site culturefabrique.lu. Allez, on s'écoute la fin de la plage titulaire de cet album End of Eye du groupe Art of Empathy. Et puis après, ce sera Lorenzo Gabbanizza avec un morceau intitulé I am wrong, j'ai tort. Et vous avez bien raison de nous rester fidèles. Something wrong, yeah. Lorenzo Gabanizza, I Am Wrong. Et puis on change complètement de style avec Mircea et Wrong Side of Heaven. Mauvais côté du paradis. In this land of thoughts, there's nothing to witness but a hemorrhage, a deafening stillness. I'm bleeding. I'm bleeding. Left home last night at 10 or 11 on a catapult to the wrong side of heaven. I'm freezing. I'm freezing. When you flood my mind, I float like a feather, like the stripes and stars are better together. I'm dreaming. I'm dreaming. Open up new world and I'll be the rover. By the time it's fixed, one tick and it's over. I'm leaving. I'm leaving. It's been a year since I shut the door. My words are rotten, shaken to the core. They call for you. They call for you. I left the shipwreck headed to the shore. Waves won't break me like they did before. I'll come to you. Yeah, I'll come to you. When the sky is falling and his thoughts are crawling deep down in my mind, voices from inside. This town, turn this place around. Your breath of every shot of emotion, you're the particles that rise from the ocean. I'm swimming. I'm swimming. You're the pleasing ends, my inner dystopia. You're the grape of lust and my enophobia. I'm healing. I'm healing. Bring me back to life. You're the key to the coffer. You collect my thoughts. We'll laugh and we'll suffer. It's pleasing. So pleasing. I'll stay under you. The critical angle of the web of thoughts which I am tangled. I'm fleeing. I'm fleeing. It's been a year since I shut the door. My words are rotten, shaken to the core. They call for you. They call for you. I let the shipwreck headed to the shore. Waves won't break me like they did before. I'll come to you. Yeah, I'll come to you. When the sky is falling and his thoughts are crawling deep down in my mind, voices from inside. My world is crushing. With hands on brush and dust up for this town, turn this place around. When the sky is falling and his thoughts are crawling deep down in my mind, voices from inside. When my world is crushing, with your hands I'm brushing dust off of this town. Turn this place, turn this place, turn this place around. Voilà, Wrong Side of Heaven, c'était Mircea. On va poursuivre avec presque un extrait du nouvel album d'Aitopus. Je vous en avais déjà parlé, il s'appelle Variant. Là, je l'avais reçu en version électronique, je l'ai reçu en version CD, et puis Brian m'a même joint à côté un second disque qui s'appelle Deep Variance. Il reprend trois morceaux de ce nouvel album, mais en version extra longue. Et alors je me suis dit, bah, pourquoi pas aller sur ce petit CD complémentaire, aller écouter une version super longue, c'est un peu différent. Et bah, je vous propose la version deep du morceau Altum. On va, je ne vous propose pas qu'on va l'écouter en entier, hein, parce qu'elle fait 13 minutes 55 secondes. Mais on va l'écouter en grande partie. Allez, Deep Variant. Non, Altum Deep, pardon, extrait du CD accompagnateur de l'album Variant. Et ce CD accompagnateur s'appelle Deep Variant. Voilà, il faut suivre. Hein. C'est un peu confus, mais il faut suivre. Les artistes ont parfois des têtes un peu... qui réagissent de façon différente que nous. Greetings, this is Brian Tool Hughes of Atopus, and you are listening to Planet Indie. Voilà, comme je vous l'ai dit, on va peut-être pas écouter le morceau en entier puisqu'il fait pas loin d'un quart d'heure. On va de nouveau se le laisser en fond musical. Et je vous propose de faire notre capsule BD avec ce fantastique morceau End of I, The Art of Empathy. Alors la BD du jour, la BD du mois, on va dire, c'est une BD d'heroic fantasy, humoristique pourrait-on dire. Elle s'appelle Dragon et Poison, c'est le volume 1, Grayson, Nevo et Natch. Ça se passe dans la cité de Pamoison, et cette cité de Pamoison tiendrait son nom du mal qui saisit son fondateur lorsqu'il en toucha le sol empoisonné. Mais son danger est aussi à la base de sa richesse. Commerce de drogue, potions et antidotes, cuisine avec des masques, c'est d'actualité vraiment. Pêche avec des gants, c'est aussi d'actualité. Tout, absolument tout, y est contaminé. Et ses habitants ont appris à vivre sous cette menace constante et à s'en prémunir. Parmi eux, il y a Natch, une ingénieure à la langue bien pendue et qui aime profiter des plaisirs de la vie, grâce notamment à la galante et langoureuse compagnie de son amant régulier, Nevo, médecin à la fois roublard et humaniste, inquiet des conséquences désastreuses des duels sur la vie de la cité. Non loin de là se trouve le puits au souhait, dont le trésor est gardé par un dragon féroce qui exauce les désirs de ceux qui parviennent jusque-là et à la conquête duquel ambitionne de partir tant Natch que Nevo. Ce dernier décide cependant de doubler sa maîtresse. Il lui dérobe ses plans et se lance à l'aventure en compagnie de son ami Grayson, le guerrier sans peur. Mais outre provoquer la fureur de Natch, eh bien leur quête va tourner au drame. Une vingtaine d'années plus tard, les deux aventuriers se retrouvent et décident de réparer leurs erreurs passées en se lançant à nouveau à l'assaut du gouffre. C'est désormais une paire bancale de vieux losers qui part à l'aventure, mais le succès ne tenant finalement qu'à un vœu, le dragon y répond favorablement et les réexpédie dans le temps peu avant leur première expédition. Il faut désormais agir vite. Cette aventure d'Heroic Fantasy s'avère donc plus fantastique qu'héroïque. On ne doute bien entendu pas du courage intrinsèque des deux compères, mais in fine le dragon se montre bien plus pacifique et paresseux que prévu. On peut comprendre sa lassitude d'être dérangé tous les 20 ans par ces deux zozos. Quand on a l'éternité devant soi, un cycle de 20 ans c'est peu. Illustration de la fragilité des hommes devant les femmes, c'est davantage Natch et sa rage qui constituent l'élément le plus redouté à affronter. Peut-être faut-il voir là l'influence du duo 100% féminin qui est à la barre de cet album. L'intrigue, bien que basique, une chasse au trésor, des monstres, ne se laisse pas découvrir immédiatement et s'agrémente d'un côté perturbateur, d'autant plus que les ellipses temporelles subites et décousues ne facilitent pas le décodage du récit. L'humour est bien présent tout au long des pages, le ton est déjà donné dès les premières planches, lorsque Natch, interrompu au beau milieu d'une séance de félicité avec ses trois partenaires par deux bretteurs, leur demande, aussi gentiment que son irritation le lui permet, d'aller se faire non trucider ailleurs. À défaut, elle se fera un plaisir de leur déverser sur la tête une de ses propres mixtures qui, elle le leur promet, prouvera son efficacité. On s'attache donc à ce trio de personnages qui donnent leur nom au titre de ce premier volume. Le style presque caricatural du dessin renforce l'effet humoristique et il est plaisant de prendre le temps d'apprécier la qualité fouillée des détails et des couleurs éclatantes. Même si on ne voit pas nécessairement l'utilité de tous les éléments de l'univers mis en place, on espère trouver dans le second tome des réponses à nos questions et surtout découvrir s'il est possible de réécrire l'histoire et comment. Voilà, c'est un album sorti il y a pratiquement un an déjà, en octobre 2019 chez Draco. Dragon et Poison, volume 1, Grayson, Nevo et Natch. C'est un album de Botian et Morse. C'est ce qu'on vous proposait de découvrir aujourd'hui dans Planète Indie. Je vais vous mettre la page de couverture aussi dans notre groupe Facebook si le post ne disparaît pas comme celui concernant notre powerplay. J'ai encore des choses à apprendre en ce qui concerne les réseaux sociaux. Allez, on abandonne Art of Empathy pour quelques minutes. On y retournera d'ici 18h30. Bah oui, il va falloir traîner. Et on écoute un extrait de nouvelle EP de Carrington McDuffie. I am the one. Hi, my name is Carrington McDuffie, and you are listening to Planet Indie. Mm-hmm. I sang some rock songs, bought up my stocks in destiny. I wore my helmet, flew on a jumbo jet. I won't forget those chattering stars. The place was empty, my mind was totally free. Left up to me to play the guitar. I stuck my head in the clouds. I set my eye in the sun. Throw me over, it won't matter. I'm the one. Bright lights were flashing, big words kept crashing. I saw that love was smashing everyone's heart. I made a run for it, I ripped my skin for it. Man, I was in for it, all of me, right from the start. My knife is silver, quick as a river. It bears the letters showing my name. Oh, but I gave that face up, I left no trace of the time or place. I was taking the blame. Thank you. I lost something deep inside, and I never seemed to find it, though I tried and I tried. On the day Buddy Bolden died, tell Kid Ory and Hot Lips Louie. La preuve que dans Planet Indie on ose tout et on voyage beaucoup dans les genres musicaux, puisqu'avec ce morceau Buddy Bolden Song, on est en plein jazz. Le groupe s'appelle Blind Lemon Jazz. Et puis on va retourner pour terminer cette émission sur notre album Power Play. Donc c'est plutôt du dark electro. Donc vous reconnaissez beaucoup des émissions qui passent du dark electro après du jazz. Moi pas tellement. Hein. Donc vous êtes des petits privilégiés. Avant cela, je vous propose de passer en revue tranquillement la programmation de la Rocale, puisque les affaires semblent repartir de ce côté-là aussi. En tout cas, le premier concert prévu se tiendra le 18 septembre, c'est le concert de I Am. Tous les autres prévus entre-temps sont soit annulés, soit postposés. De même, celui de Evanescence avec Within Temptation, qui était prévu le 25 septembre, il est postposé aussi. Le 27, ce sera l'hommage à Queen de Unique Rock Symphony Celebration. Le 27 septembre, ça sera la salle principale, et puis dans le club, vous pourrez aller voir Vidéo Club. Le 3 octobre, eh bien, vous aurez les Loop Station, les ateliers pour jeunes publics, une première séance pour les jeunes de 5 à 8 ans et une deuxième séance pour les jeunes de 9 à 12 ans. Voilà, et puis après on arrive au mois d'octobre, et ça on en reparlera au cours de notre prochaine émission qui se tiendra quant à elle le 3 octobre. Cette émission-ci sera rediffusée demain entre 17h et 18h30. Et puis on va se quitter donc avec le troisième extrait de notre album End of Eye de Art of Empathy. Et Art of Empathy qui, dans sa philosophie, eh bien, il va à contre-courant de beaucoup de tendances actuelles. C'est aussi vrai sur cet album, riche en paroles et citations, et qui s'étend sur pas moins de 12 pistes pour une durée totale de 71 minutes. Là où beaucoup de productions actuelles, eh bien, ne sont que superficielles, et tapent à l'œil, et pauvres tant dans leur forme que dans leur contenu. Fidèle à son personnage et à sa philosophie, eh bien, Jeff pratique lui aussi l'empathie, puisqu'il a toujours produit sous licence Creative Commons. C'est un système de licence approprié, eh bien, aux productions à l'ère numérique. Et il a toujours rendu sa musique, ses paroles et les illustrations disponibles gratuitement, et ceci peu importe le temps qu'il leur a consacré. Son seul souhait étant que sa musique soit partagée afin qu'elle puisse atteindre et inspirer les gens. L'album donc peut être téléchargé en ligne gratuitement et légalement sur le site de Art of Empathy, c'est artofempathymusic.com. Cependant, les gens, eh bien, d'Enos Records en Allemagne, à Leipzig, ont voulu rendre hommage à cette œuvre et en proposer aussi une version tangible et physique sous la forme d'une édition collector limitée à 100 exemplaires qui comprend, eh bien, un cahier d'œuvres numéroté à la main avec 32 pages de dessins, illustrations et les paroles. Rendez-vous donc sur Bandcamp ou sur le site aeneosrecords.com, et si vous achetez, eh bien, cette version, vous aurez aussi évidemment la version électronique disponible gratuitement. Voilà, on va se quitter avec un troisième et dernier extrait, c'est le morceau intitulé Hugging Strangers. C'est un peu d'actualité aussi. J'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie, et eh bien j'espère que ce fut le cas pour vous aussi, et puis je vous propose de vous retrouver donc le 3 octobre. Vous retrouverez le podcast de l'émission sur notre site internet dès ce soir. Et puis, voilà, rediffusion demain, aux mêmes heures. Rendez-vous donc le 3 octobre pour l'épisode numéro 423 de Planet Indie. D'ici là, passez une bonne soirée, un bon week-end, et à très bientôt. Power Play. Power Play. Hello there, I'm Jeff of Art of Empathy on Planet Indie, and you're listening to a new track of the album End of I. Thank you. village out there we call the Earth, in which inhabitants are trying not to drown. The shady universal language of the Earth, a little sweet to make the sour go down. Schon gestorben sind, muss man nicht ernst nehmen. Man tut ihnen sonst Unrecht. Wir Unsterblichen lieben das Ernst nehmen nicht. Wir lieben den Spaß. Der Ernst, mein Junge, ist eine Angelegenheit der Zeit. Er entsteht, so will ich dir verraten, aus einer Überschätzung der Zeit. Auch ich habe den Wert der Zeit einst überschätzt. Dann wollte ich 100 Jahre alt werden. In der Ewigkeit aber, siehst du, gibt es keine Zeit. Die Ewigkeit ist bloß ein Augenblick. Gerade lange genug für einen Spaß. Just drive, baby. Still chasing magic, don't can find the key. Get out your bed of roses, follow me. Chasing magic, don't get find the key. Get out your bed of roses.